Dès le premier jour, la familiarité la plus douce s'établit entre nous au même degré où elle a continué tout le reste de sa vie. Petit fut mon nom, maman fut le sien, et toujours nous demeurâmes, petit et maman, même quand le nombre des années a eu presque effacé la différence entre nous. Je trouve que ces deux noms rendent à merveille l'idée de notre ton, la simplicité de nos manières et surtout la relation de nos cœurs. Elle fut pour moi la plus tendre des mères, qui jamais ne chercha son plaisir, mais toujours mon bien. Et si les sens entrèrent dans mon attachement pour elle, ce n'était pas pour en changer la nature, mais pour le rendre seulement plus exquis, pour manivrer du charme d'avoir une maman jeune et jolie qu'il m'était délicieux de caresser. Je dis « caresser » au pied de la lettre, car jamais elle n'imagina de m'épargner les baisers, ni les plus tendres caresses maternelles, et jamais il entra dans mon cœur d'en abuser. On dira que nous avons eu à la fin des relations d'une autre espèce, j'en conviens, mais il faut attendre, je ne puis tout dire à la fois.